a connu le même hiver à la recherche d'une terre d'amour. On a traversé le désert en sachant qu'on verrait la mer un jour. Dear